garçon, si via le vin, allant cinéma, maman te parler, qui gassoce la garçon. Du tout parce que en direct te connaît que bagage qui va arriver petite là en direct te connaît ça te senti ça c'est ça que fait que petite là dit ça va te faire dire maman ou est-ce que j'ai un homme ça en face là j'ai la paix de garder tout le temps la femme yeux doux maman dit petite moi si c'est pas pour bien c'est pour mal. Il vit bien, ma recevoir l'en bien. Il vit mal, ma servi l'en mal. Aïe aïe. Et puis Dieu, dans ça le fait, il traversait, il dit bonjour la mère, Avec du gros et du moins. La même devine m'a donné la main. Si mademoiselle ou avait m'a donné pour lui. Moi, ben en pile. La même devine dit moi. Mais là. Caille pour vous. J'ai maintenant des cailles pour lui. Il comprend toute bagaille net qui pour lui. Il comprend toute bagaille là dans tout. Écoutant, il va ça dit tout. Bon, ouais. Ça comprend. Petit point, vous venez bien, ma recevoir bien, vous venez mal. Et bien, fortement, ma recevoir mal, petit point. Oh, et puis, je vous ai traversé, quand la même, j'ai rien, même, ménager, non, mais, grand monde dans son sel, grand monde dans le kembe. Tu vois quoi, dit Fia? Petit point, regardez. Kembe, kembe, kembe, kembe, kembe, kembe, kembe. Parce que, bagay, ça, ouais, bon Dieu, bah, nous, hein. C'est tout à voir, nous. Nous pouvons nous gaspiller l'albaïli. La paix d'un paquet de bagailles. C'est lui tout nous. C'est lui tout nous. Kembe la, kembe, kembe, kembe, kembe, kembe. Oh! Je vais être ça vivre. Je vais te dire que je vais dans le cinéma, oui. Je vais dans le cinéma, mais allons dans le cinéma. Allons bien, mais tout allons bien. Oh! Là, dans le cinéma, oui. Pendant le cinéma, la palatine, on a besoin de faire un petit comméa qu'on connaît et qu'on compte parler français. Ou façon pour doubler un petit comméa, ça qu'on dit un comméa. Oh oui, chérie, on aurait pas le savoir de dire ça. On aurait dû de comprendre, c'est dans lequel radical à la maison du peuple. Là, tout ça, français. Là, tout français. Bon français, c'est parti français. Français, oh, comme on a marqué mon salbaraï. Monsieur même rivé la rallye, j'ai plein. J'ai dit pour moi-même, j'aime ces nègres qui mettent dame. Pour trouver gros ménage dans mes mains, même bon bacabo. Trouver son bac qui drôle, même bon bacabo. Samedi, pour aller dans le cinéma, je parle de ça. Oh. Comme on a même gagné la petite fille, petite point, gagné, gagné, gagné, gagné, gagné, gagné, gagné, petite point, gagné, gagné, gagné, gagné. Et puis ça va dire, on a dit, petite fille, chérie, bon bah, vous me dites oui. Comme elle dit, qui ça va dire, qui sort pour dire, qui sort pour dire, oui, bon bah, vous me dites oui. Son bagage m'a fait pour vous. Son bagaille m'a fait pour. Et son même seul qui a une chance qui vous jouer une bagaille ça. Pas de monde qui a une chance encore. C'est vous seul qui a une chance ça pour faire bagaille ça. C'est comme elle dit, qui bagaille pour faire. Ou à tout capable de temps, parce que nous étions 15 ou 22 jours pour nous marier, ou à tout capable de temps. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça du tout. Bagala m'a fait pour avoir senti, ou avoir senti bagala, pour que vous sentiez. Tu comprends bien, mais vite dit que ça a dit non, vite dit que ça a dit non. Bon, oui, t'as des chéris, mais ça t'a dit. Mais ça t'a dit, chéri. Mais ça t'a dit. C'est pas rien d'un tout, mais ça t'a dit. Et bien tout ça m'a fait pour voir. Sont même seuls qui ont une chance pour un bagage. C'est bon rien. Mais ça me t'a fait boire. Ouais, regardez. C'est qui tête là, ma baou. Qui tête là. C'est qui tête là, ma baou. Et puis quand mon nom, même temps d'affaire des petites têtes, tout le monde a dit, oui. Mais j'ai une envie de frager les petites points. On a fait des petites têtes. Petites têtes, petites têtes. Petites, mais regardez, non. On a fait des petites têtes, ça, ouais. Petites têtes, ça, ouais. Il n'y a pas qu'une épaule. De vous pour dit tête là, wap pour tout. Nous parlez, on parle, on parle, si c'est beauté pour beauté pour beauté. Si t'es qu'un affaire déjà, oui. T'es qu'un affaire déjà, oui.